intelligence artificielle, il y a intelligence et il y a artificiel. Certes, me direz-vous, mais encore. Il y a depuis l'origine, en tout cas, une volonté d'artificialiser l'intelligence, c'est-à-dire de reproduire le fonctionnement mécanique ou électronique d'une intelligence humaine, d'un cerveau humain, à tel point que les algorithmes complexes de l'IA fonctionnent aujourd'hui en réseaux neuronaux. Mais entre la terminologie et la réalité, il y a un abîme. Ces réseaux neuronaux n'ont que peu de choses à voir avec nos propres neurones. Ce qui nous amène à notre thème du jour, l'IA doit-elle, peut-elle être bio-inspirée? Pourrons-nous construire une machine qui ressemble vraiment à un cerveau? IA et cerveau, le jeu des 7 différences, c'est le programme bioélectronique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire le tour des évolutions de la recherche en intelligence artificielle et comprendre les liens entre ces recherches et la structure de notre propre système nerveux central, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Julie Grolier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicienne dans le domaine du calcul neuromorphique. Vous nous expliquerez évidemment ce que c'est. Directrice de recherche de l'unité mixte de physique CNRS Thales à Palaiseau. Nous sommes également en ligne avec Maureen Claire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche INRIA à Sophia Antipolis. Et pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Devillard. Bonjour Arnaud. Bonjour. Voilà, vous êtes journaliste chez notre partenaire chéri Sciences et Avenir qui titre ce mois-ci l'IA au service de l'intelligence humaine avec un gros dossier auquel nous allons répondre et que nous allons tâcher de compléter tout au long de cette heure. Mais on commence par celle qui fait chaque jour le tour de l'actualité scientifique, oui, mais toujours en chair et en os, c'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec cette étude parue aujourd'hui dans Scientific Reports. Les hommes et les femmes de Néandertal prenaient soin de leurs morts. Est-ce que, comme nous, Néandertal enterrait ses morts? Est-ce que les pratiques funéraires sont une spécificité de notre espèce? La question fait débat depuis longtemps chez les archéologues, d'autant plus qu'elle est considérée comme fondatrice du comportement humain. Une équipe internationale dirigée par les chercheurs du CNRS vient de mettre fin au débat. L'équipe s'est à nouveau penchée sur l'un des sites néandertaliens les plus connus en France, l'abri sous roche de la Ferrazie en Dordogne. Et en particulier au squelette d'un enfant âgé de 2 ans et vieux de 41 000 ans. À partir d'ossements découverts dans les années 70, mais aussi à partir de nouvelles fouilles, les chercheurs ont mis en évidence que cet enfant avait bien été enterré. D'une part, l'état de conservation de ses os montre qu'il a été enfoui rapidement après sa mort. D'autre part, les couches sédimentaires autour de lui ont été datées. La datation révèle qu'une fosse a bien été creusée pour ensuite être refermée. Il s'agit bien d'un enfouissement volontaire. Encore une fois, Néandertal fait la démonstration d'une humanité complexe. Et on passe au bref. Hier, le laboratoire anglais AstraZeneca a publié dans la revue des Lancet ses résultats sur son vaccin contre le SARS-CoV-2 et la Food and Drug Administration aux États-Unis a rendu public ceux du groupe Pfizer-BioNTech. Oui, nous avons enfin les détails de l'étude qui complète les données des communiqués de presse. Dans The Lancet, les résultats d'AstraZeneca ont été validés par les pairs. Leur vaccin en deux prises a été efficace à 70%. C'est le vaccin le moins cher et celui qui se conserve le plus facilement. Mais les agences médicales britanniques, européennes et américaines ont remarqué qu'il n'y avait pas assez de personnes à risque dans les essais cliniques. Peu de personnes âgées et peu de groupes ethniques. Des études complémentaires sont donc attendues. Quant au vaccin de Pfizer et BioNTech, qui est déjà utilisé en Angleterre depuis hier, il montre bien une efficacité de 95% et de 52% dès la première dose. Autre différence, les personnes à risque sont aussi protégées. Voilà, on reviendra plus longuement sur les résultats de ces deux études dans la radiographie du coronavirus. Ce sera vendredi matin à 7h15 dans les matins de France Culture avec Guillaume Erner. Et en bref toujours, Natacha, selon différents groupes de juristes, la LPPR, la loi pluriannuelle de programmation de la recherche, est anticonstitutionnelle. Et des collectifs de juristes ont saisi le Conseil constitutionnel contre la très contestée LPPR. Avant son adoption, l'adoption le 20 novembre dernier, des amendements ont été passés in extremis. Et notamment celui qui écarte le rôle du CNU dans le recrutement des universitaires. Un amendement qui menace l'indépendance des enseignants-chercheurs. Selon les recours déposés, c'est l'ensemble du texte de loi qui représente une non-conformité constitutionnelle ou une atteinte au principe d'égalité ou encore une atteinte au libre consentement des parlementaires. Le Conseil constitutionnel tranchera dans quelques semaines. Et enfin, pour finir, selon une étude parue dans Nature Medicine, une équipe américaine a conçu un vaccin universel contre la grippe. Alors, ce n'est qu'une étude sur un essai clinique de phase 1 avec une toute petite cohorte de 65 personnes, mais les résultats sont intéressants. Le problème avec le virus de la grippe, c'est qu'il mute beaucoup. C'est pourquoi on est obligé de revacciner chaque année. Il s'agit ici d'une nouvelle approche. Ce vaccin, en 2 ou 3 injections, est à base d'hémagglutinine, la principale protéine de surface du virus qui se lie au récepteur des cellules hôtes. Contrairement aux approches classiques, ce vaccin cible une autre partie de cette protéine. Il serait donc actif contre un large spectre de souches et il offrirait une immunité durable pendant au moins 18 mois. Mais avant de parler d'un vaccin universel contre la grippe solide, il reste encore de nombreuses étapes. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Vous savez, maintenant, vous en avez l'habitude, toutes ces études, vous pouvez les retrouver sur notre fil Twitter, @lamethodefc, ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Historiquement donc, les premières recherches sur l'intelligence artificielle avaient pour ambition de faire produire des tâches humaines par des machines, mimant l'activité du cerveau, de concevoir une machine capable de raisonner comme l'homme. Là, quels que soient les progrès de la recherche en informatique et quelle que soit la terminologie employée aujourd'hui pour ces machines et ces algorithmes d'apprentissage profond, pour ces réseaux de neurones, le fonctionnement d'un ordinateur, tout puissant qu'il soit, diffère très largement du fonctionnement du cerveau humain. Plus performants sur la puissance de calcul sont les ordinateurs, mais nettement moins sur l'efficacité énergétique ou sur la prise de décision, par exemple. Pour preuve de cette intention initiale dont je vous parlais à l'instant, écoutez notre archive du jour. Nous sommes en 1959 dans l'édition spéciale sur la radiodiffusion française. Cette machine s'appelle ordinateur parce que c'est un nom nouveau que nous avons créé. Parce que c'est plus qu'un calculateur. Non seulement elle fait des additions, des soustractions, des multiplications, mais elle est aussi douée de logique, elle peut prendre ses propres décisions, savoir si elle a raison ou tort de continuer dans le chemin où elle est partie. On pourrait presque dire qu'elle a un petit début de raisonnement. Mais puisqu'on a fait allusion à Pascal, quelles sont les différences essentielles ? Eh bien, la machine de Pascal utilisait des roues. Nous, pour effectuer les calculs, nous utilisons des tubes électroniques. D'autre part, la machine de Pascal n'avait pas de mémoire. Cette machine en a une considérable même, puisqu'elle possède 200 millions de chiffres en mémoire qui sont enregistrés soit sur des bandes magnétiques analogues à celles d'un magnétophone, soit dans des ferrites, soit encore dans un tambour magnétique. Voilà, nous sommes en 1959, peut-être une réaction à cette archive et à la présentation de ce qui est appelé ici comme le premier ordinateur, Julie Grolier. Eh bien, c'est une archive très intéressante et je trouve intéressant qu'ils insistent beaucoup sur le rôle de la mémoire, qui, je pense, à laquelle on va revenir plus tard dans l'émission, puisque c'est une des différences très importantes aussi entre notre cerveau et les ordinateurs. Maureen Claire, votre impression ? On est encore loin du raisonnement par les machines quand même. Donc c'était prometteur. On espérait tout de même en 1959, ce qu'on entend dans l'archive, un petit début de raisonnement. Peut-être Julie Grolier, un mot sur la terminologie. On parle d'intelligence artificielle, encore une fois, comme je le disais, de réseau de neurones. Vous trouvez qu'aujourd'hui, cette terminologie, elle est galvaudée ou elle est incorrecte en tout cas ? C'est une très bonne question. C'est très difficile de définir l'intelligence artificielle. Il y en a qui disent que finalement l'intelligence artificielle, c'est toujours ce qu'on n'arrive pas encore à réaliser. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux de neurones artificiels ont des performances vraiment considérables, mais ne raisonnent pas comme le fait un humain. Est-ce qu'on est revenu, d'après vous, Maureen Claire, sur l'idée qu'il puisse y avoir une continuité entre le cerveau et la machine, ou est-ce qu'au complet, au contraire, maintenant, on arrive vers l'idée, puisque ce sont deux fonctionnements différents, d'une très forte complémentarité entre les deux ? La complémentarité, c'est certain que c'est à rechercher, mais je trouve que tout de même la complexité astronomique qu'il y a dans le cerveau, voilà, toutes les échelles différentes auxquelles le cerveau travaille, que ce soit en spatial ou temporel, fait que c'est un défi d'arriver à en reproduire même une petite partie et d'arriver à s'inspirer d'une partie de ce que fait le cerveau. Donc c'est un défi scientifique qui peut peut-être amener aussi à des applications super novatrices et qui seront très utiles. Donc je dirais que c'est pas voilà, que la complémentarité, c'est sûr qu'elle est à rechercher, mais même les interfaces comme on verra un peu plus tard, mais voilà, le défi de la compréhension du cerveau et de son inspiration pour le biomimétisme, c'est fascinant. On va évidemment parler d'un certain nombre d'applications. Avant cela, peut-être Julie Grolier, un mot, puisque je l'ai dit, hein, vous travaillez aujourd'hui dans la recherche en électronique neuromorphique. Ça veut dire que, indépendamment de la recherche qui se fait dans l'intelligence artificielle, quel que soit d'ailleurs le fait que les termes soient galvaudés ou non, il y a tout un pan de la recherche aujourd'hui en électronique qui cherche vraiment à retrouver en fait finalement cette intention première de la recherche en intelligence artificielle, c'est-à-dire à reproduire via l'électronique le fonctionnement du cerveau humain. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on appelle surtout l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce sont de développer ces algorithmes en fait, mais qui ensuite peuvent tourner sur nos ordinateurs classiques. Et en électronique neuromorphique, en fait, on essaye de changer les processeurs pour s'inspirer plus de la manière dont le cerveau est construit. Et la raison pour ça, c'est vraiment qu'on veut essayer de réduire la consommation d'énergie de l'intelligence artificielle. Puisque lorsque ces programmes tournent sur nos ordinateurs classiques, finalement, ces réseaux de neurones, ils tournent sur des processeurs qui ne sont pas du tout adaptés pour ça. Et donc, on a vraiment intérêt à essayer de se rapprocher de ce que c'est vraiment qu'un réseau de neurones en électronique pour réduire la consommation électrique de l'intelligence artificielle. On va revenir sur ces deux parties différentes, c'est-à-dire d'une part ces deux questions que je viens de poser, la continuité que l'on peut établir aujourd'hui entre un cerveau et une machine et un ordinateur via les interfaces cerveau-machine, mais vous allez voir, pas uniquement. Et puis dans une deuxième partie d'émission, on va s'intéresser justement à cette neuromorphique et comprendre aujourd'hui bien comment on essaye de répliquer au plus près le fonctionnement de nos cerveaux, de nos neurones et de nos synapses. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h13, nous parlons donc d'intelligence artificielle et de notre cerveau. Nous en parlons avec Julie Grolier, Maureen Claire et mon camarade Arnaud Devillard de Science et Avenir. Peut-être serait-il intéressant, Maureen Claire, justement, pour bien comprendre ce dont il est question, de revenir sur les différences structurelles qu'il peut y avoir entre un cerveau humain et une machine, toute perfectionnée soit-elle. En quoi ça n'est pas pareil ? Oh, il y a déjà les connexions, les interconnexions entre les processeurs, hein, sans parler du nombre de processeurs déjà, parce que dans un cerveau, on a 100 milliards de neurones, alors que dans les plus gros ordinateurs actuels, on a peut-être l'équivalent de millions de processeurs et de milliards de petites unités. Mais donc, c'est vraiment, pour l'instant, hein, on est vraiment loin d'imiter dans les machines le nombre d'unités de calcul qu'il peut y avoir dans le cerveau, mais aussi l'interconnexion entre tous ces différents processeurs, elle est encore très limitée dans les machines physiques par rapport aux neurones, où chaque neurone peut être connecté à 1000 neurones différents répartis à bien des endroits différents dans le cerveau. Aussi, Julie a parlé de la consommation d'énergie, hein, c'est un défi d'arriver aux 20 watts du cerveau avec des machines artificielles. 20 watts, 20 watts, c'est la consommation du cerveau en énergie à peu près par rapport à un ordinateur. Vous avez des chiffres en tête pour qu'on ait un élément de comparaison ? Je dirais 250 watts pour faire des choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus basiques qu'un cerveau. Oui, c'est... Enfin, et on n'imite absolument pas tout ce que sait faire le cerveau avec des machines qui restent très spécialisées en fait pour ce qu'on leur a appris à faire. Il y a aussi les communications entre neurones qui se font De manière électrique, par des potentiels d'action que certaines maintenant technologies neuromorphiques essaient d'imiter en envoyant des spikes entre processeurs. Donc c'est très intéressant, au lieu d'échanger des nombres flottants, en fait on échange juste des spikes entre différents processeurs, c'est-à-dire des temps d'apparition d'un 0 ou d'un 1. Donc oui, beaucoup de différences. Néanmoins, il y a aussi le défi de comprendre comment fonctionne le cerveau, hein. On en est encore très très loin en fait de comprendre toutes les la façon dont le cerveau se connecte, sa plasticité, comment est-ce qu'il se répare, comment il se développe, enfin tout ça, et ce sont des recherches passionnantes, c'est les frontières des recherches dans le vivant actuellement. On va revenir là-dessus parce qu'il y a un petit. Je vais vous donner la parole dans un instant, Arnaud de Villard, parce qu'il y a un petit encadré que je trouve assez intéressant que vous pouvez nous résumer brièvement dans le numéro de Science et Avenir sur vraiment les différences même de fonctionnement presque ontologique, j'ai envie de dire, entre le cerveau organique et le cerveau électronique. Mais peut-être un mot, Julie Grelier, vous pourriez nous préciser la différence qu'il y a entre un réseau neuronal électronique, parce qu'on appelle ça tout de même réseau neuronal. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça réseau neuronal si ça fonctionne de manière si différente que nos neurones organiques? C'est une très bonne question. C'est parce que justement, on essaye de faire des circuits où on assemble les composants électroniques pour réaliser, pour imiter des neurones et des synapses. Ce qui n'est pas du tout le cas dans nos ordinateurs actuellement, en fait. Il n'y a pas du tout, même dans les ordinateurs qui font tourner les algorithmes d'intelligence artificielle, il n'y a pas de neurones et pas de synapses. En fait, ce qui se passe, c'est que les algorithmes sont écrits sous forme de programmes qui sont ensuite compilés, donc ça fait des séries de 0 et de 1 et qui sont envoyés dans nos processeurs d'ordinateur. Donc il n'y a plus vraiment de synapses et de neurones. On cherche à reproduire physiquement les synapses et les neurones, en fait, pour gagner en énergie. En fait, pour répondre peut-être à la question de tout à l'heure, on a voulu essayer de comparer l'énergie consommée par le cerveau et par une intelligence artificielle. C'est toujours très compliqué, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu que les intelligences artificielles, en fait, on en a pris une qui essayait d'apprendre le langage. Et en fait, on a vu que pour lui faire apprendre ça, il faut 1000 kWh, donc ce qui est équivalent à 6 ans de cerveau, en fait, de consommation électrique du cerveau. Donc en fait, juste pour entraîner une IA à traduire du texte, en fait, ou des choses comme ça, c'est l'équivalent de 6 ans de consommation du cerveau. Alors, sur les réseaux de neurones, on a un de nos auditeurs réguliers qui est très au fait des questions technologiques et des questions informatiques et qui nous dit que le Mac M1 intègre un réseau de neurones sur puce qui s'appelle Neural Engine et qui apparemment consomme rien du tout. Donc apparemment, ces réseaux de neurones commencent à gagner l'informatique quotidienne ou environnementale, Julie Grelier ? Oui, absolument. La difficulté. Alors après, il y a différents types de puces qui sont développées actuellement. Et leur but à chaque fois, c'est bien ça, hein, c'est d'éviter de vider les batteries des téléphones, etc. La plupart d'entre elles, en fait, ne sont pas encore capables d'apprendre, en fait. Souvent, l'apprentissage, il est fait sur des superordinateurs, et ensuite, on en extrait des paramètres qu'on injecte dans ces puces, c'est-à-dire qu'elles sont pas flexibles. C'est l'état de l'art et la communauté scientifique essaye vraiment de développer des puces qui puissent apprendre. Arnaud de Villard, donc dans votre dossier de ce mois-ci dans Science et Vie, on va évidemment renvoyer les auditeurs de Science et Avenir. Qu'est-ce que je raconte moi? Ça va pas la tête, je vais me faire taper sur les doigts. Dans ce dossier de Science et Avenir, ce mois-ci, il y a un petit encadré que je trouve assez passionnant, qui justement détaille les différences vraiment, comme je disais tout à l'heure, ontologiques de fonctionnement entre le cerveau humain, la mécanique cérébrale humaine et la mécanique cérébrale artificielle. Oui, effectivement, on a essayé de résumer effectivement comment on pouvait distinguer l'un et l'autre. Comme on vient d'expliquer, c'est vrai que le but de l'intelligence artificielle étant d'imiter à la base le cerveau humain, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de différences finalement, à la fois dans ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, qui n'explique qui est difficile, qui n'existe pas avec l'intelligence artificielle, la notion de mémoire, avec toute cette notion un peu intangible qu'on connaît bien, nous, êtres humains, de l'intuition, de la compréhension intuitive d'un contexte que ne sait pas appréhender une intelligence artificielle. Donc, effectivement, il y a beaucoup de toute la notion aussi sensorielle aussi. Voilà, on parle beaucoup de reconnaissance visuelle, de reconnaissance faciale, choses comme ça, mais finalement, l'intelligence artificielle ne sent pas, ne ressent pas. On parle de vision par ordinateur, par exemple, mais évidemment, tout ça, c'est du code, c'est de l'informatique, et surtout, il y a beaucoup de sens qu'on a du mal à simuler, et c'est des notions, on va dire des simulations très, très, assez limitées, finalement, et qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, ça a été dit déjà, cette notion de spécialisation aussi qui existe dans l'intelligence artificielle, qui n'est pas le cas du cerveau humain. Nous, on peut passer d'une tâche à l'autre très très vite dans la seconde, tandis qu'un algorithme, en gros, quand il est entraîné à faire de la traduction, il va pas tout d'un coup passer à de la reconnaissance faciale. Là, il faut un autre algorithme, quoi. Mm-hmm. C'est une des grosses différences. Oui, et puis il y a plein de choses passionnantes. Hein. Encore une fois, je renvoie nos auditrices et nos auditeurs à ce petit encadré, et puis à l'ensemble du dossier de Science et Avenir. Mais oui, par exemple, le fait que nos prises de décision sont conditionnées notamment par une mémoire qui est très défaillante, alors que l'ordinateur, l'intelligence artificielle, à l'inverse, elle, a une mémoire qui est totalement infaillible. Enfin, voilà, plein de dualités qui sont en fait des dualités très très opposées. Il y a quelque chose de très important tout de même à noter, Julie Grolier, c'est que s'il y a bien une différence là aussi fondamentale entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, c'est que jusqu'à preuve du contraire, et on va voir que c'est en train de changer notamment via vos travaux, mais la zone de mémoire et la zone de calcul dans un ordinateur sont des zones totalement étanches et totalement séparées. Il faut sans cesse passer de l'une à l'autre, alors que notre cerveau fait les deux en même temps, tout le temps. Oui, absolument. Et c'est vraiment une différence fondamentale. Et c'est donc ce qui se passe en fait, c'est ça. Dans un processeur d'ordinateur, il y a un bloc, c'est la mémoire, qui est séparé de l'endroit où on fait les opérations de calcul en fait. Et donc les algorithmes d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est des algorithmes qui ont beaucoup de paramètres qu'on appelle les poids synaptiques en fait. Ces paramètres, quelque part, ils imitent les synapses. Et il peut y en avoir des centaines de millions ou même des milliards. Et en fait, à chaque étape, à chaque opération de ce réseau de neurones, il faut aller chercher tous ces paramètres dans la mémoire pour les amener vers le calcul, vers la partie où on va faire les opérations, qui sont souvent des opérations très complexes. Et comme les deux blocs sont séparés, on est en train de faire sans arrêt transiter des données entre les deux, et c'est ça qui consomme énormément d'énergie. Mmh. Alors que dans le cerveau, en fait, la mémoire est délocalisée puisqu'elle est dans les synapses. Et donc, les synapses relient les neurones, ce qui veut dire que chaque neurone, qui est comme un petit processeur, va avoir directement attaché à disposition la mémoire dont il a besoin pour faire ses calculs. On évite ces transferts de données et ça permet ainsi au cerveau de gagner plusieurs ordres de grandeur en termes d'énergie et même de rapidité finalement pour effectuer les opérations. Donc ça veut dire que nos ordinateurs actuels, par leur structure, en séparant la mémoire et le calcul logique, en fait, ralentissent aussi l'intelligence artificielle, en plus d'en augmenter la consommation électrique. Et on va voir comment vos travaux en électronique neuromorphique, justement, tâchent de résoudre une partie de ce problème. Mais j'aimerais qu'on parle avec Maureen Claire dans un premier temps. À défaut de reproduire via l'électronique la structure cérébrale, il y a tout de même aujourd'hui beaucoup de travaux sur la possible continuité, complémentarité, justement, entre une machine et un système nerveux central ou un cerveau humain. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de vos travaux sur ce P300 Speller et en quoi il y a là-dessus la possibilité d'amener, d'augmenter et notamment de suppléer quand il y a des fonctions défaillantes, et bien un certain nombre de fonctions chez l'être humain et dans le cerveau humain donc. Oui, tout à fait. Donc en fait, je développe des méthodes numériques, c'est-à-dire fondé sur des maths pour extraire de l'information de signaux du cerveau, des signaux qui proviennent de l'activité naturelle électrique qu'ont les neurones entre eux. Et ces signaux, ils sont très très fugaces, ils sont de faible intensité aussi. C'est quand même un assez grand défi d'arriver à interpréter cette activité cérébrale. Qu'on peut mesurer de différentes manières, mais nous on s'est surtout penché sur l'électroencéphalographie. Mmh. C'est tout simplement des électrodes qu'on met sur le cuir chevelu, un peu comme l'électrocardiographie quand on fait un examen cardiaque, mais là ça mesure l'activité naturelle du cerveau. Et donc, en fait, à l'INRIA, on est un organisme qui développons des algorithmes, qui étudions des mathématiques. Et pour moi, un défi, c'était d'arriver à analyser cette activité cérébrale en temps réel, c'est-à-dire au moment même où elle est en train ou juste après qu'elle vienne d'être émise, parce que ça me semblait pouvoir être effectivement très utile pour pouvoir l'exploiter pour des personnes qui seraient privées de moyens de communication ou de motricité. Et donc ça, c'est le domaine des interfaces cerveau-machine ou interface cerveau-ordinateur, ICM, oui. qui fait que l'ordinateur, en fait, on l'utilise pour arriver à extraire des informations utiles pour un utilisateur directement de son activité cérébrale. Donc on a travaillé là-dessus, entre autres avec l'INSERM à Lyon. On a travaillé au sein de l'INRIA aussi à développer un logiciel open source qu'on appelle OpenVibe, qui a beaucoup facilité la coopération entre nous déjà au sein d'INRIA, mais aussi avec d'autres équipes dans le monde, hein, parce que c'est assez rare en fait les logiciels qui traitent ce domaine-là, qui sont open source et qui marchent avec plein de matériel d'EEG, d'électroencéphalographie différents, par exemple. Et puis on a été en fait contacté par un centre clinique à Nice, à côté de Sophia Antipolis, où une ergothérapeute d'un centre de maladies neuromusculaires avait des problèmes pour trouver des moyens de communication pour ses patients. Certains patients qui souffrent de maladies neuromusculaires dégénératives, comme la maladie de Charcot, c'est aussi, on l'appelle aussi la sclérose latérale amyotrophique, hein, la SLA. Des personnes en fait sont privées graduellement de l'usage de leurs muscles, de tous leurs muscles malheureusement. Il leur reste que souvent les yeux en fait pour communiquer. Et le travail des ergothérapeutes, c'est de trouver encore quelques muscles sur lesquels ils peuvent mettre un capteur qui va permettre à la personne d'encore cliquer, par exemple, sur un bouton, de pouvoir encore utiliser un ordinateur, parce que l'ordinateur, ça reste un moyen d'ouverture au monde et de communication avec le monde très important. Donc, on s'est posé la question avec le CHU de Nice, quelle interface cerveau-ordinateur proposer. Et on est tombé sur le P300. Donc le P300, c'est une réponse évoquée par le cerveau à une stimulation à laquelle on est en train de prêter attention. Enfin, on attend qu'une stimulation arrive. Et au moment où elle arrive, il y a ce P300 qui apparaît dans le cerveau de manière assez robuste. Alors concrètement, juste comment ça marche? Parce qu'évidemment, on n'a pas l'image. Est-ce que vous pourriez nous décrire, par exemple, le principe de ce P300 et comment justement ces patients avec une mobilité extrêmement réduite peuvent l'utiliser? Et puis Arnaud de Villard aurait une question pour vous juste après. D'accord. Le P300, des fois, je l'appelle un peu la réponse du feu vert. Si vous êtes dans votre voiture au feu rouge et que vous attendez le feu vert, c'est un signal que vous attendez. Et au moment où le feu vert arrive, en fait, si vous aviez une électrode sur le sommet de votre crâne, en fait, on verrait cette déflexion dans votre activité cérébrale. Je dis pas que c'est très fort comme réponse, c'est quelques microvolts, mais disons qu'avec un appareil d'électroencéphalographie, on peut mesurer ça. Alors, comment est-ce qu'on peut détourner ce signal-là pour communiquer? Parce qu'on va pas communiquer qu'avec des feux rouges et des feux verts. On va proposer à la personne de regarder un clavier sur son écran d'ordinateur. Et sur ce clavier, on va faire clignoter toutes les lettres d'une manière qui paraît un peu aléatoire, mais en fait, bien sûr, qui n'est pas aléatoire du tout. Enfin, elle est parfaitement maîtrisée par le système. On connaît exactement les temps de clignotement de chacune des lettres. Elles ont l'air de clignoter un petit peu comme un sapin de Noël, tout en même temps. Et la personne doit regarder ce qu'elle veut sélectionner. Donc elle va être en train d'épeler, par exemple, un mot, ou elle peut sélectionner aussi une icône si elle veut. Donc on peut communiquer par sélection en fait de différents éléments sur un clavier. Et en fait, on est capable dans l'activité cérébrale de la personne de repérer à quel moment est-ce qu'il y a le P300. Et en fait, ça nous indique à quel moment est-ce qu'il y avait quelque chose qui clignotait, qui l'intéresse. Et à partir de ça, on en déduit en fait la sélection qu'elle veut faire. Mmh. Donc on a eu des retours très intéressants de patients qui, du premier coup, arrivent à comprendre comment marche un système comme ça. Enfin, des personnes atteintes de la maladie de la SLA l'ont testé. Une vingtaine de patients, au CHU de Nice, dont la plus âgée avait 93 ans et du premier coup, elle arrivait à taper ce qu'elle voulait. Enfin, ça prend un petit peu de temps quand même, hein, parce qu'il faut quelques répétitions des flashs avant qu'on ait une réponse dont on est certain. Enfin, parce qu'en fait, elle est assez faible, donc il faut un peu de calibrage. Statistique. Mmh. Oui, de calibration aussi, bien parce sûr. Que l'onde est un peu particulière à chaque personne. Aussi. On a eu une étude très intéressante avec le CHU de Nice qui a montré qu'il y avait un vrai intérêt et beaucoup de patients nous demandaient est-ce qu'on peut ramener ça chez nous, ce système-là qu'ils avaient essayé à l'hôpital. Alors on était très attentifs au fait que ce travail-là c'est quand même pour des utilisateurs, c'est pas simplement des articles qui doivent sortir des labos de recherche sans que des utilisateurs puissent en profiter un jour. Donc, on travaille pas mal sur l'ergonomie du système. Mmh. On a travaillé à le rendre adaptable à toute configuration matérielle d'un utilisateur. Et puis, on a un utilisateur un peu modèle. C'était quelqu'un qui a entendu parler de notre étude depuis Chambéry. Lui, il était dans un hôpital à Chambéry. Il s'appelle Damien Perrier et il a cette maladie-là depuis longtemps. Et il a entendu parler de ce nouveau dispositif. Il a voulu l'essayer. On ne pouvait pas lui envoyer un amplificateur, etc. Mais il en a commandé un très bas de gamme, en fait, pour environ $500, je crois, sur Internet, grâce à une petite levée de fonds qu'il a fait avec des amis. Et on lui a permis de télécharger notre logiciel. Et avec l'aide d'un ami ingénieur qui est venu plusieurs fois lui permettre de le mettre en place, il a réussi à l'utiliser. Donc il était très très content et ça a fait la démonstration pour nous que des personnes qui en pouvaient en avoir besoin peuvent effectivement le faire marcher. À moindre coût. Je vais donner la parole à mon camarade Arnaud de Villard qui avait une question pour vous, Maureen Claire. Oui, en vous écoutant, je me demandais, est-ce que du coup, ça, le fonctionnement que vous décrivez, ça implique qu'il y a moins besoin au patient, à la personne, de s'entraîner, comme ça peut être le cas avec les casques d'électroencéphalographie, où les gens apprennent à se concentrer sur une tâche, à imaginer une action pour ensuite que celle-ci soit retranscrite par le signal électrique capté dans le cerveau. Est-ce que là, ça nécessite justement de moins avoir cette phase d'appropriation. Maureen Claire. Oui, vous avez tout à fait raison. Le signal P300, il est tellement pré-câblé dans le cerveau, tellement robuste. Il répond d'ailleurs aux stimulations de toute origine sensorielle, ça peut être auditif, visuel, etc., que la personne ne peut pas s'empêcher d'avoir un P300 si elle est attentive. Il suffit qu'elle soit attentive à ce qui va arriver et le P300 arrive. Par contre, on a aussi de l'expérience avec ces autres interfaces que vous venez de mentionner, dans lesquelles il y a besoin d'un entraînement de la personne. Souvent, ce sont des interfaces qui sont basées sur de l'imagination motrice. C'est-à-dire la personne qui est peut-être incapable d'utiliser ses muscles peut peut-être encore imaginer bouger, par exemple, sa main ou son pied, si elle en a eu l'expérience dans sa vie. Hein, c'est pas toujours le cas pour les grands handicaps. Mais bon, si elle est capable de faire ça, en fait, les zones sensorimotrices qui sont accessibles aussi par l'électroencéphalographie ont des activités qui changent de manière très très reconnaissable. Mais la personne doit quand même s'entraîner à savoir faire ces actions-là avant que le système arrive à détecter. Il faut aussi que le système s'adapte aux signaux de la personne en question, parce que chacun est un peu différent. Donc on a entraîné une patiente aussi pour participer à une épreuve qui s'appelait le cibathlon qui devait avoir lieu en mai dernier, puis malheureusement ça a été annulé à cause de la crise sanitaire. Mais on avait participé en Autriche avec cette patiente à une épreuve un peu préparatoire au Cibachon. C'était très très intéressant de voir les conditions réelles dans une vraie compétition avec d'autres personnes qui utilisent ces machines-là, ces interfaces-là en temps réel et dans des conditions un peu stressantes. Donc enfin, on apprend beaucoup en fait en travaillant avec des utilisateurs et en permettant à des utilisateurs d'expérimenter ces dispositifs. On arrive déjà, le temps tourne à toute allure, on arrive déjà à mi-parcours de cette émission et comme tous les mercredis, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Corentin Delacour, bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse au laboratoire CNRS d'informatique, de robotique et de microélectronique de l'Université de Montpellier. Vous travaillez sur la conception d'architecture pour les réseaux de neurones oscillatoires. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité dans votre émission. Donc, en fait, je fais ma thèse au laboratoire d'informatique, de robotique, de microélectronique de Montpellier, comme vous venez de le dire, qui est un laboratoire du CNRS. Je suis encadré par Aïda Tadrissanial et je travaille au sein d'un projet européen Horizon 2020 qui s'appelle Neurone. Donc, le but de ma thèse est de concevoir des réseaux de neurones oscillatoires artificiels. Alors, mais déjà, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones artificiels? Donc, comme on a vu dans l'émission, ce sont des algorithmes inspirés de la structure du cerveau qui comprennent plusieurs petites unités de calcul, donc qu'on appelle neurones, et qui sont interconnectés par leurs synapses. Donc, dans le cerveau, l'information, elle est contenue dans des signaux électrochimiques échangés entre les neurones. Alors que, comme on l'a vu, dans un programme informatique, eh bien, ce sont des nombres échangés par des calculs tels que la multiplication ou l'addition. Et comme l'a dit Julie Grolier, en fait, le problème, c'est qu'actuellement, il y a des réseaux de neurones avec des millions de connexions, et ça devient de plus en plus compliqué de déplacer les données. Alors pourquoi? Parce que dans un processeur classique, il y a des milliards de transistors. Et c'est difficile de faire circuler rapidement l'information. C'est un peu comme dans une grande métropole où vous avez des milliers de bâtiments, des gratte-ciels et des routes. Le problème que vous avez déjà constaté, c'est qu'aux heures de pointe, la ville elle est complètement engorgée et c'est difficile de la traverser. Donc de la même manière sur un processeur, on ne peut pas acheminer une donnée de manière instantanée. Alors bien sûr, il y a des solutions pour désengorger le réseau. On a des transports en commun, des autoroutes. On passera toujours du temps à traverser la ville. Et en fait, on se rend compte que le cerveau est beaucoup plus efficace en termes d'architecture. Et ça, de façon naturelle. Donc, il y a des milliards de signaux électriques qui se propagent entre les neurones en parallèle, et la mémoire est distribuée au niveau des synapses. Et ça crée moins d'embouteillages. Donc, pour se convaincre de son efficacité, il suffit d'observer les chiffres. Donc, le cerveau consomme moins de 20 watts, alors que, par exemple, le calculateur de Google qui a battu le champion de Go en 2016 en consommait 500 fois plus. Et bien, en fait, c'est ça. L'objectif principal du projet Neurone et de ma thèse, c'est de s'inspirer du cerveau pour implémenter de manière efficace des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc dans notre projet, on part de zéro pour concevoir physiquement un réseau de neurones artificiels. Donc on s'inspire des oscillations présentes dans le cerveau, qu'on peut mesurer par exemple avec un électroencéphalogramme, et bien pour implémenter des neurones à l'échelle microscopique et qui oscillent entre deux états. En fait, on obtient ce comportement en utilisant un matériau innovant qui peut transiter entre un état isolant et métallique pour produire des oscillations des millions de fois par seconde. Ensuite, pour implémenter la plasticité du cerveau et donc l'apprentissage, les oscillateurs sont couplés par un nouveau type de composant qu'on appelle memory store et qui, eux, représentent les synapses entre les neurones. Donc moi, mon travail, en fait, dans tout ça, c'est comment est-ce qu'on peut organiser ce système pour résoudre des problèmes d'intelligence artificielle. Et déjà, comment est-ce qu'on peut représenter l'information avec des oscillateurs? Donc ce qu'on peut faire, c'est coder la valeur 1 quand deux oscillateurs sont dans le même état, donc on dit qu'ils sont en phase, et 0 quand ils sont déphasés. Donc là, ça paraît pas très clair. Donc pour comprendre un peu comment ça marche, prenons un exemple qu'on a déjà tous vécu au moins une fois. Donc quand on applaudit à la fin d'un concert ou d'un spectacle, en applaudissant, on agit tous comme un oscillateur couplé à un large réseau consulté par le public. Donc au début, chaque personne semble applaudir indépendamment des autres et le résultat général est plutôt chaotique. Pourtant, rapidement, le public commence à converger vers un état final stable où toutes les personnes applaudissent de manière synchrone pour rappeler les artistes. Et en fait, dans ce cas-là, ce qui est fascinant, c'est que malgré le grand nombre de spectateurs, l'ensemble arrive à son résultat naturellement et rapidement. Et c'est ce principe qu'on utilise pour obtenir un résultat de manière efficace. Donc, comme le réseau de neurones oscillatoires est un concept innovant, il reste encore énormément de choses à découvrir, donc surtout au niveau de son apprentissage et des différents algorithmes d'intelligence artificielle qu'il pourrait exécuter. Mais là, actuellement, une première application qu'on étudie est la reconnaissance d'images en noir et blanc. Donc, dans ce cas, chaque oscillateur correspond à un pixel de l'image, donc blanc si l'oscillateur est en phase et noir s'il est déphasé. Et en fait, le réseau de neurones oscillatoires est alors capable d'identifier une image altérée ou bruitée à l'une qu'il a mémorisée. Et ça, ce n'est pas tout. Dans un futur proche, ce type de circuit pourrait être utilisé pour diverses applications mobiles, en robotique et pour des capteurs intelligents, où il est essentiel de minimiser la consommation d'énergie. Un autre type d'application est la résolution de certains problèmes d'optimisation, comme par exemple le jeu de Sudoku. Donc la résolution algorithmique classique de ces problèmes est difficile, alors qu'un réseau de neurones oscillatoires pourrait proposer une solution de manière efficace en temps et en énergie. Merci beaucoup Corentin Delacour pour la présentation de vos travaux qui me permettent de faire la bascule entre les deux parties de cette émission avec, je dois l'admettre, un tout petit peu de retard puisqu'on va aborder maintenant ce pan de la recherche sur l'intelligence artificielle et le cerveau dont nous parlions tout à l'heure avec Julie Grolier, l'électronique neuromorphique ou lorsque les structures électroniques tâchent de reproduire les structures cérébrales biologiques, en l'occurrence des synapses artificielles. C'est notre reportage du jour. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et ces synapses artificielles reposent sur des matériaux ferroélectriques qui sont constitués de séries de dipôles fonctionnant en parallèle. Vincent Garcia, que vous connaissez bien, Julie Grolier, est chercheur CNRS au sein de l'unité mixte de physique CNRS Thales. Il nous explique comment fonctionnent ces matériaux ferroélectriques constituant les synapses artificielles et quelle mise en réseau on peut pour l'heure envisager pour ces synapses artificielles. Il nous dit ensuite pourquoi ces synapses artificielles pourraient avoir certaines applications dans le domaine de la reconnaissance vidéo. Ce qu'on appelle synapse artificielle, c'est un élément mémoire qui n'est pas binaire, mais qui est analogique. Donc c'est un système qui garde en mémoire le nombre de sollicitations électriques qu'il a reçues, tout comme la synapse dans le cerveau a une certaine plasticité. C'est-à-dire qu'elle adapte sa transmission selon le nombre de fois elle a été sollicitée. Alors comment ça fonctionne et déjà à quoi ça ressemble, quelle taille ça fait ? Dans notre laboratoire, nous avons étudié des systèmes qui font typiquement de l'ordre de quelques nanomètres d'épaisseur. Ce sont des couches très minces d'un oxyde ferroélectrique à travers lequel on fait passer un courant par effet tunnel. C'est un effet quantique. Et donc il y a une certaine probabilité pour que les électrons passent à travers cet isolant. Alors un système ferroélectrique, c'est un matériau qui, comme les matériaux ferromagnétiques, a un ensemble de dipôles électriques qui sont tous alignés parallèlement. Et ça fait une polarisation macroscopique, donc des charges qui ne sont pas équilibrées et qui restent de façon rémanente. Et donc avec un champ électrique ou une tension, on peut commuter cette polarisation, l'orienter vers le haut ou vers le bas, par exemple. Ceci en analogie donc avec les matériaux ferromagnétiques qui ont des petits aimants qui sont tous alignés de manière parallèle et qu'on peut contrôler avec un champ magnétique. Et vous évoquiez l'effet tunnel. En quoi consiste cet effet tunnel ? Alors, l'effet tunnel, c'est un mécanisme par lequel les électrons ont une certaine probabilité de passer à travers un isolant lorsqu'on on les excite avec une tension. Alors si je résume un petit peu, cette synapse artificielle est composée de plusieurs dipôles qui ont un pôle positif, un pôle négatif, et selon la sollicitation de ces dipôles-là, elle va réagir un petit peu comme une synapse biologique. Alors en fait, si on imagine un dispositif avec cette couche active ferroélectrique, lorsqu'on envoie une tension, on peut renverser totalement la polarisation, mais ce renversement de la polarisation ne se fait pas de manière uniforme et se fait en étapes, c'est-à-dire qu'on a des zones dans notre dispositif qui vont se renverser d'abord. On appelle ça des domaines. Et selon la proportion de domaines où la polarisation est vers le haut ou vers le bas, on va avoir une résistance qui va varier progressivement. Est-ce qu'on peut mettre ces synapses artificielles en réseau ? Est-ce qu'on peut les connecter entre elles ? Et si oui, quelle implication ça peut avoir pour de potentielles applications ? De nos jours, le calcul neuromorphique est effectué à partir d'algorithmes sur des systèmes conventionnels type CMOS qui sont utilisés dans nos ordinateurs. Et l'idée ici, c'est de faire un réseau de neurones artificiels directement sur une puce. Donc ce réseau de neurones contient des neurones, mais il contient surtout beaucoup de synapses qui sont les liens d'interconnexion entre les neurones. En pratique, on est en train d'essayer de réaliser des prototypes de ces dispositifs avec des réseaux de synapses qui sont des nœuds dans un réseau qu'on appelle crossbar, donc des lignes croisées avec ces synapses au nœud et au bout, on a des neurones qui sont répliqués par des systèmes CMOS. Alors on perçoit bien un petit peu à la fois la performance que ça représente de pouvoir créer ça, mais aussi ça doit bien avoir des limites technologiques, techniques. Quelles sont ces limites-là et qu'est-ce qui limite les performances de ces réseaux de synapses ? Alors pour l'instant, il n'y a pas eu de réalisation de ce type de réseau avec les synapses ferroélectriques. Donc avant de voir les limites, il faut déjà réaliser le système. Globalement, la limitation par rapport à un cerveau humain, c'est le nombre d'éléments globalement. Dans le cerveau humain, on a environ 10 000 synapses par neurone. Donc il faut réaliser des réseaux très denses avec ces synapses. Mais on a montré par des simulations qu'on pouvait réaliser des tâches assez simples pour la reconnaissance d'images et la reconnaissance de voix, par exemple, ou le classement d'informations avec des réseaux qui sont réalisables techniquement. Alors sur quoi vous travaillez à présent justement dans ce contexte de recherche autour des synapses artificielles, des synapses ferroélectriques, et qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite ? Donc actuellement je travaille plus sur le côté développement de ces réseaux dans le cadre d'un réseau européen avec un groupe de l'Université de Bordeaux, c'est coordonné par Sylvain Saïgui et avec différents groupes de recherche en Europe. Notamment IBM à Zurich, Bosch et l'université de Twente. Et on essaye de réaliser un réseau de neurones artificiels avec ces memory stores, ces synapses artificielles. Et en fait, les coupler à une caméra qui est dite caméra à événement, donc une caméra un peu intelligente qui détecte seulement les mouvements. La finalité pour Bosch, c'est d'utiliser ce type de caméra avec ce réseau de neurones artificiels pour détecter des mouvements, pour capter par exemple les mouvements de personnes dans les voitures. Voilà, c'est un peu l'idée. Voilà, petite introduction à la neuromorphique et aux synapses artificielles. Votre réaction à ce reportage, Julie Grolier, et le lien que vous pouvez faire avec vos propres travaux sur les neurones électroniques et la neurotronique ? Eh bien, oui, c'est des travaux que je connais très bien, puisqu'en fait, je travaille avec Vincent sur ce sujet. Je pense que ce qui est important de savoir, peut-être de souligner, c'est que c'est comme c'est un sujet vraiment avec énormément d'applications, il y a beaucoup de travaux différents au niveau académique et industriel, et beaucoup de technologies différentes sont envisagées pour faire les synapses et les neurones, et on ne sait pas encore lesquelles vont être les meilleures, en fait. Donc, voilà, donc Vincent a décrit des matériaux très prometteurs qui sont les synapses ferroélectriques. Il y a d'autres types de matériaux qu'on peut utiliser. Moi, en ce moment, je me concentre surtout, il en a parlé un petit peu, sur des matériaux magnétiques. Mmh, absolument. Alors, justement, expliquez-nous un peu quels sont vos travaux, Julie Grolier, parce que vous avez publié en 2017 dans Nature, notamment un protocole avec deux nanoneurones. Ce sont des nanoneurones, effectivement, magnétiques. Et vous avez obtenu la médaille d'argent du CNRS. Félicitations en 2018 pour vos travaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez construit, justement, ces nanoneurones bio-inspirés, en quelque sorte ? Alors, en fait, quand on veut faire un neurone artificiel, voilà, la première chose, c'était de se dire que dans le cerveau, il y en a environ 100 milliards. Donc, c'est important de les faire petits si on veut tous les faire loger sur une puce de 1 cm carré. Donc, on a fait des nanoneurones. Donc, leur dimension latérale, c'est 100 nanomètres à peu près, c'est-à-dire 1000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. On peut même réduire ça jusqu'à 10 nanomètres. Donc, il s'agit de petits cylindres. Avec lesquels, donc, ensuite... Excusez-moi, je m'embrouille. Non, allez-y, je vous en prie. Décrivez-nous cette interface entre les deux nanoneurones et comment ils fonctionnent. C'est assez captivant. Oui, absolument. En fait, ce que je voulais dire, c'est que quand on veut faire un nanoneurone, un neurone, donc déjà, il faut en choisir. Voilà, on voulait faire quelque chose de nanométrique, mais aussi, il faut imiter quelque part le neurone. Alors, le neurone biologique... Maureen l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose de très compliqué. Il y a énormément de sortes de neurones dans le cerveau et on ne sait même pas encore complètement ce qu'ils font exactement. En intelligence artificielle, les réseaux, les neurones, ce sont juste des fonctions mathématiques. C'est-à-dire l'information qui est échangée, ce sont des nombres réels. Et les neurones, ils effectuent une fonction mathématique sur ces nombres réels. Mmh. Mais comme Maureen l'a dit également, par exemple, on voit dans son cas que dans le cerveau, les ondes cérébrales sont très importantes, en fait. Les neurones, ils émettent des impulsions électriques. Ce sont, comme l'a dit Corentin aussi, ce sont des sortes d'oscillateurs. Hein. Et ces ondes sont très importantes, elles ont une fonction absolument cruciale. Et donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est imiter la capacité des neurones à émettre des impulsions électriques, en fait. Donc, ce qu'on a fait pour faire ça, c'est qu'on a... On a pris des matériaux qu'on maîtrise très bien en laboratoire, des aimants, parce qu'on voulait qu'ils soient quand même stables à l'échelle nanométrique, parce qu'un neurone, c'est un processeur, donc il faut quand même qu'il soit capable de faire la même opération de façon répétée, ce qui n'est pas du tout évident avec des composants si petits qui peuvent être sensibles à la température, etc. Donc nos aimants sont très stables, on sait qu'ils peuvent retenir, traiter de l'information. Donc on a le nanoneurone, il est constitué de c'est un cylindre constitué de deux aimants empilés, séparés par une fine couche isolante. Et ce qui se passe, c'est qu'on a ce cylindre est contacté par ce qu'on appelle des électrodes, c'est un fil électrique, et on peut injecter des électrons à l'intérieur en mettant du courant. Et donc ce qui se passe, c'est que lorsque ces électrons, un électron, ça porte une charge, mais aussi une autre propriété, c'est le spin. Bien sûr. Qui est une propriété quantique de l'électron qu'on peut se représenter comme un vecteur, en fait. Et lorsque les électrons passent dans le premier aimant, en fait, leur spin va être polarisé, c'est-à-dire qu'il va s'orienter préférentiellement le long de l'aimantation, qui est en fait la boussole de l'aimant, enfin l'aiguille de la boussole, si on veut. Donc ils vont s'orienter selon l'aimantation. Et quand ils arrivent sur l'autre aimant, en fait, le spin comme ça qui est porté par les électrons va pouvoir agir sur l'aiguille de la boussole de l'aimant supérieur et, sous certaines conditions, le faire tourner de façon entretenue. Et ce qui est intéressant, c'est que ces dispositifs sont magnéto-résistifs. C'est-à-dire communiquer un signal, en fait. Ce que vous êtes en train de nous décrire, c'est juste la communication d'un signal. Au lieu qu'il soit bioélectrique, il est électromagnétique. En quelque sorte. À chaque fois que l'aimantation fait un tour, en fait, c'est comme une aiguille de boussole, on a création d'une impulsion électrique aux bornes. Quand on mesure la tension aux bornes de ce composant, on a une impulsion électrique. Et donc, ça imite en ce sens les neurones. Et alors, du coup, dans l'article publié dans Nature, sur vos travaux, vous avez réussi à faire reconnaître des chiffres de 0 à 9 prononcés par différents locuteurs avec un taux de réussite de 99,6%. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots cette manipulation? Oui, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment démontrer que même malgré sa taille extrêmement réduite, notre nanoneurone était capable de faire des tâches cognitives. Donc, à l'époque, on avait un seul nanoneurone. Donc, pour démontrer une tâche cognitive, normalement, il en faut plusieurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une astuce où on a imité un réseau de 400 neurones, mais c'est le même nanoneurone qui joue le rôle de chaque neurone les uns après les autres, en fait, dans le temps. Et en faisant ça, on a pu effectivement reconnaître des chiffres parlés, prononcées par différentes personnes, c'est-à-dire que le réseau de neurones a pu reconnaître quel était le chiffre indépendamment de la manière dont prononçaient les personnes. Et ce qui est important, c'est qu'on a pu le faire avec un taux de succès effectivement élevé, aussi bien que les ordinateurs classiques, donc ça validait notre nanoneurone. Avec un nombre donc de nanoneurones virtuels certes, mais assez réduit, puisqu'il n'était que de 400. Arnaud de Villars a une question pour vous. Oui, c'est une question d'ordre général. Là, on parle d'intelligence artificielle, et c'est vrai que le gros boom qu'on vit actuellement, ça remonte aux années 2011-12. Il y a eu des hauts et des bas pour l'IA les décennies précédentes. Mais je me demandais, du coup, est-ce que... là, on parle d'imitation, on parle de synapses, de réseaux de neurones, etc., pour l'intelligence artificielle comme pour l'intelligence humaine. Mais est-ce que la compréhension mutuelle entre le monde des neurosciences, même le monde des chercheurs dans le domaine médical et en informatique, est-ce que tout ce monde a mis du temps à se comprendre, à parler la même chose, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement? Je dis ça notamment parce que je me souviens d'un chercheur français qui m'expliquait qu'à une époque, ils avaient utilisé la notion, enfin le terme de deep learning pour éviter de parler de réseau de neurones, justement parce que c'était mal vu de la part des des chercheurs en neurosciences. Tout ça, je vous parle des années 80-90. Et je me demandais, si tous ces milieux, ces champs de recherche, arrivent à se comprendre ou à parler la même chose, sachant que... est-ce que vous vous comprenez, Julie Grelier et Maureen Clerc? Julie Grelier, pour commencer. Mais je suis vraiment très impressionnée par ce que fait Maureen Clair, c'est absolument fascinant. Moi, je pense que c'est difficile évidemment, de réunir toutes ces disciplines, mais c'est très, très important. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Enfin, moi, c'est ce que j'aime, d'ailleurs, dans la recherche, c'est de pouvoir être à la convergence de plusieurs disciplines. Je pense que vraiment, il y a eu des rapprochements entre toutes ces disciplines. On est à un point de convergence. C'est ça qui fait que c'est très, très intéressant actuellement. Mmh. Et donc, la communication est considérablement améliorée. Mmh. Maureen Clair, en un mot. En un mot. Oui, alors, ok, merci. Maureen, pardon. Oui, non, mais là, je trouve que aussi, comme le dit Julie, que c'est depuis 10 ans peut-être, on a vraiment une acculturation qui s'est bien améliorée entre les différents domaines, et on a tous là où on travaille construit des ponts entre disciplines pour y arriver. Je pense sur le plateau de Saclay, là où est Julie, il y a un institut super intéressant en neurosciences. Et là où je travaille aussi, on a créé un institut pour faire parler en fait différentes disciplines qui ont tout à voir avec les neurosciences ensemble, parce que c'est ce dialogue et cette compréhension mutuelle, c'est capital quoi pour y arriver dans des domaines aussi complexes. Ouais. Julie Grelier, un mot pour conclure. On a parlé de vos travaux de 2017. Depuis, ils ont évolué. Aujourd'hui, vous arrivez à assembler physiquement combien de nanoneurones et quels sont vos derniers résultats? En fait, ce qu'on a démontré récemment, c'est que... Donc, une chose que j'ai pas eu le temps de dire, c'est que les impulsions électriques de nos nanoneurones sont extrêmement rapides. C'est-à-dire que c'est 1 million de fois plus rapide que dans le cerveau. Et donc, ça veut dire qu'ils émettent des ondes radiofréquences. Et donc, ce qu'on a démontré, c'est que 4 nanoneurones pouvaient reconnaître des voyelles en communiquant par ces ondes radiofréquences. Ça a été évoqué plusieurs fois dans l'émission à quel point c'était compliqué d'avoir 10 000 synapses par neurone, en fait. C'est-à-dire 10 000 connexions ou 10 000 fils par neurone, surtout en électronique où tout est bien droit. Le cerveau, c'est une grande pelote de ces fils. Donc, on espère qu'en utilisant des communications radiofréquences, on puisse limiter le nombre de fils et augmenter la connectivité entre nos neurones. Et donc, aujourd'hui, vous avez donc réussi à connecter 4 nanoneurones. Votre ambition, c'est de pouvoir en connecter combien et pour quel usage? Oui, bien sûr, pour faire des réseaux de neurones, il en faut des millions. Ce qui est intéressant, c'est que ces cylindres magnétiques que nous utilisons sont les mêmes qui, aujourd'hui, sont développés commercialement par les grandes fonderies pour les faire des mémoires du futur. Et du coup, il y a déjà des prototypes de mémoire de gigabits avec ces composants. C'est-à-dire qu'on sait déjà dans l'industrie en mettre des milliards sur une puce. Mmh. Donc, en laboratoire, bien sûr, on peut pas faire ça, pas dans un laboratoire académique. Donc, nous, on donne des preuves de concept, mais on voit que il y a possibilité d'aller bien au-delà de 4 vers plusieurs millions, peut-être même des milliards. Merci beaucoup. C'est un peu court. On avait beaucoup de choses à se dire. C'est un menu très très copieux aujourd'hui, mais on reviendra avec grand plaisir sur la neurotronique, sur la question de l'apprentissage en temps réel, sur la question de la rétropropagation des erreurs. Plein de questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder et qui sont absolument passionnantes. Merci en tout cas beaucoup Julie Grelier et Maureen Clair d'avoir été avec nous tout au long de cette heure. Merci Arnaud de Villard de notre partenaire Science et Avenir. Vous pouvez lire et pour compléter l'écoute de cette émission le dossier complet et passionnant l'IA au service de l'intelligence humaine, intuition, prise de décision, mémoire, c'est dans le numéro de décembre de Science et Avenir, La Recherche. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, comme tous les mercredis, vous pouvez retrouver les idées claires sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info, ainsi qu'en podcast sur l'appli Radio France, avec cette question: les vaccins développés contre le Covid-19, qui ont été développés en si peu de temps, sont-ils pour autant sûrs? Des éléments de réponse dans les idées claires du jour. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Natacha Triou, Eve Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, François Malordi, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Guilain Mège à la technique. Demain, nous parlerons des accords de Paris sur le climat qui ont été signés il y a 5 ans, le 12 décembre 2015, sous les vivats de la communauté internationale, soulagés de voir les dirigeants du monde entier prendre en considération l'urgence climatique. 5 ans après, le tableau n'est pas aussi reluisant. Que reste-t-il de ces accords? On en parle et on en fait un bilan avec la coprésidente du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.